La profession de voleur n'existerait pas en tant que profession si les malheureux contre lesquels la justice a sévi une fois n'étaient pas honnis, vilipendés, maltraités. La société les contraint à se rassembler. Elle crée leurs réunions, leurs mœurs, leur volonté et leur force. Que l'on ne pense pas que l'abandon du délibéré, que son exclusion soit le résultat d'une délicatesse de convention, cette exclusion n'est que la suite d'une hypocrisie. Le libéré est-il riche? Tout le monde lui tend les bras, point de porte qui ne lui soit ouverte, il est reçu partout. Roberto credite experto, j'en puis parler sciemment. Qu'il ait une bonne table et surtout une cave bien fournie, il aura pour convives des magistrats, des banquiers, des agents de change, des avocats, des notaires. Ils ne rougiront pas de paraître avec lui en public. Ils le nommeront leur ami. Enfin, il sera avec eux compère et compagnon. Et le commissaire, chapeau bas, ne tiendra pas à déshonneur de lui prendre la main. Loin de là. La seconde catégorie des voleurs se compose de cette multitude d'êtres faibles qui, placés sur une pente rapide, entre leur passion et le besoin, n'ont pas la puissance de résister à de perfides séductions ou à l'entraînement du mauvais exemple. C'est la plupart du temps parmi les joueurs que se recrute cette affligeante catégorie, dont tous les membres sont sur la route qui conduit à l'échafaud. Un écu jeté sur le tapis vert pour celui qui le risque, le premier pas est fait, et viennent les circonstances, il sera faussaire, voleur, assassin, parricide. Autorisez les jeux, vous êtes ses complices et ses provocateurs, son sang et celui qui l'a versé rejailliront sur vous.